Chapitre 27e. L'entretien de David et de Frédéric fut interrompu par le briquetier, qui entra dans la chambre d'un air effrayé. « Monsieur, dit-il précipitamment à David, la charrette attelée, partez vite. »« Qu'avez-vous ? » lui demanda David. « La Loire monte toujours, monsieur. Il faut qu'à 2 heures, le peu de meubles et d'effets que nous possédons ici soit enlevé. » « Craignez-vous donc un débordement ?»« Peut-être, monsieur, car la crue devient effrayante. » Et si la Loire déborde, demain on n'apercevra plus que les cheminées de ma briqueterie. Aussi, pour plus de prudence, je veux déménager. C'est la charrette qui va vous conduire qui, à son tour, me servira à enlever mes meubles. Allons, mon enfant, dit David à Frédéric, du courage. Vous le voyez, nous n'avons pas un moment à perdre. Je suis prêt, monsieur David. Heureusement, nos vêtements ont pu à peu près sécher grâce à cet ardent brasier. Appuyez-vous sur moi, mon enfant. Au moment où le fils de Manabastien quittait la maison, il dit au briquetier « Pardon, monsieur, de ne pouvoir mieux vous remercier de vos bons soins, mais je reviendrai. »« Que le ciel vous entende, mon jeune monsieur, et qu'il fasse qu'à la place de cette maison vous ne retrouviez pas dans quelques jours un amas de décombres. » David, sans que Frédéric l'aperçût, remit 2 pièces d'or au briquetier en lui disant tout bas « Voici pour la charrette. » Quelques instants après, le fils de Manabastien et David s'éloignaient de la briqueterie dans la rustique voiture remplie d'une épaisse couche de paille et recouverte d'une toile car la pluie continuait de tomber à torrents. Le conducteur de la charrette, enveloppé d'une roulière, assis sur l'un des brancards, activait la marche du cheval de trait qui trottait pesamment. David avait exigé que Frédéric se couchât dans la voiture et appuyât sa tête sur ses genoux. Assis tout à fait à l'arrière, il tenait ainsi l'adolescent à demi embrassé et veillait sur lui avec une sollicitude paternelle. « Mon enfant, lui dit-il en ramenant avec soin sur Frédéric l'épaisse couverture prêtée par le briquetier, n'avez-vous pas froid ?»« Non, monsieur David. »« Maintenant, convenons de nos faits. Votre mère doit ignorer ce qui s'est passé ce matin. Nous dirons, n'est-ce pas, que, surpris par une pluie battante, c'est à grand-peine que nous avons pu nous procurer cette charrette. Le briquetier croit que vous êtes tombé à l'eau par imprudence, en vous avançant trop sur l'un des talus de l'acheter. Il m'a promis de ne pas ébruiter cet accident. » Dont les suites pourraient inquiéter votre mère. Ceci bien convenu, n'y pensons plus. Que de bonté, que de générosité. Vous songez à tout, vous avez raison. Il ne faut pas que ma mère sache que vous m'avez sauvé la vie au péril de la vôtre, et cependant... Ce qu'il faut que votre mère sache, mon cher Frédéric, ce qu'il faut qu'elle voie, c'est que j'ai tenu la promesse que ce matin je lui ai faite, car le temps presse. Quelle promesse ? Je lui ai promis de vous guérir. Me guérir. Et Frédéric baissa la tête avec accablement. « Me guérir. » Et cette guérison, il faut qu'elle soit accomplie ce matin. Que dites-vous ? Je dis qu'il faut que dans 1 heure, à notre arrivée à la ferme, vous soyez redevenu le Frédéric d'autrefois, la gloire, l'orgueil de votre mère. Monsieur David. « Mon enfant, les moments sont comptés, écoutez-moi donc. Ce matin, au moment où vous avez disparu, je vous disais, je sais la cause de votre mal. » Vous me disiez cela, en effet, monsieur David. Eh bien, cette cause, c'est l'envie. Oh mon Dieu ! Murmura Frédéric, écrasé de honte, en cherchant à se dérober à l'étreinte de David. Mais celui-ci serra plus tendrement encore Frédéric contre son cœur et reprit vivement. Relevez le front, mon enfant, pas de honte. C'est un excellent sentiment que celui de l'envie. L'envie, un excellent sentiment ? S'écria Frédéric en se redressant et regardant David avec stupeur. L'envie ? Répéta-t-il en frémissant. « Ah, monsieur, vous ne savez pas ce qu'est l'enfante. La haine, tant mieux. Tant mieux, mais la haine à son tour. Enfante la vengeance. Tant mieux encore. Monsieur David, » dit le jeune homme, en retombant sur sa couche de paille avec abattement, « vous vous raillez de moi, et pourtant... »« Me raillez de vous, pauvre enfant ?» s'écria David, d'une voix pénétrée en ramenant Frédéric à lui et le pressant avec amour contre sa poitrine. « Me raillez de vous ? Ah, ne dites pas cela. Pour moi, plus que pour personne... » La douleur est sainte. Me raillez de vous. Mais vous ne savez donc pas que ma première impression à votre vue a été remplie de compassion, de tendresse. Car j'avais un frère, voyez-vous, Frédéric ? Un jeune frère, de votre âge. Et les larmes de David coulèrent. Suffoqué par l'émotion, il fut obligé de garder un moment le silence. Les pleurs de Frédéric coulèrent aussi. Ce fut lui qui, à son tour, se serra contre David en le regardant d'un air navré, comme s'il eût voulu lui demander pardon de faire couler ses larmes. David le comprit. Rassurez-vous, mon enfant. Ces larmes-là ont aussi leur douceur. Eh bien, le frère dont je vous parle, ce jeune frère bien-aimé qui faisait ma joie et mon amour, je l'ai perdu. Voilà pourquoi j'ai ressenti pour vous un si prompt, un si vif intérêt. Voilà pourquoi je vais vous rendre à votre mère telle que vous étiez autrefois. Parce que c'est vous rendre vous-même au bonheur. L'accent, la physionomie de David en prononçant ces mots était d'une douceur si mélancolique, si pénétrante, que Frédéric, de plus en plus ému, reprit timidement « Pardon, monsieur David, d'avoir cru que vous vouliez vous railler de moi, mais ce que je vous ai dit vous a semblé si étrange, n'est-ce pas, que vous n'avez pu croire que je parlais sérieusement. Il est vrai. Cela doit être, et pourtant mes paroles sont sincères, je vais vous le prouver. » Frédéric attacha sur David un regard plein d'angoisse et de dévorante curiosité. « Oui, mon enfant, l'envie est en soi un sentiment excellent. Seulement, vous l'avez jusqu'ici mal appliqué. Vous avez mal envié, au lieu d'envier bien. Envier bien ? L'envie, un sentiment excellent ? » répéta Frédéric, comme s'il n'avait pu en croire ses oreilles. « L'envie, l'affreuse envie qui ronge, qui dévore, qui tue, mon pauvre enfant. La Loire a failli tout à l'heure être votre tombeau. Ce malheur arrivé, votre mère, n'est-ce pas, se fut écrié. « Oh, fleuve maudit qui tue ! Oh, fleuve maudit qui engloutit mon fils !»« Hélas, monsieur David !» Et si les craintes d'inondation se réalisent, que de voix désespérées s'écrieront « Oh, fleuve maudit, nos maisons sont emportées, nos champs submergés !» Ces malédictions sont-elles justes ? Que trop, monsieur David ? Oui, et pourtant ce fleuve si maudit fertilise ses rives. Il est la richesse des villes qu'il traverse. Des milliers de bateaux chargés de denrées de toutes sortes sillonnent ses ondes. Ce fleuve si maudit accomplit enfin la mission utile, fécondante, que Dieu a donnée à tout ce qu'il a créé. Car dire que Dieu a créé les fleuves pour l'inondation et pour le désastre, ce serait un blasphème. Non, non, c'est l'homme, dont l'ignorance, l'incurie, l'égoïsme, l'avidité, le dédain de toute fraternelle solidarité, change en fléau les dons célestes du Créateur. Frédéric, frappé des paroles de son précepteur, l'écoutait avec un intérêt croissant. « Tout à l'heure encore, reprit David, sans ce feu dont la chaleur a pénétré vos membres glacés, vous mourriez peut-être, et cependant, c'est horrible les ravages du feu. Faut-il maudire le feu et le Créateur ? Que vous dirais-je ? Faut-il, parce qu'elle a causé d'effroyables sinistres, maudire la vapeur qui va changer la face du monde ? Non, non, Dieu crée des forces, et l'homme, dans son libre arbitre, emploie ses forces en bien ou en mal. Et comme Dieu est un et indivisible dans sa toute-puissance, il en est des passions comme des autres éléments. Aucune n'est mauvaise en soi. Ce sont des leviers. L'homme s'en sert bien ou s'en sert mal, à lui, son libre arbitre. Ainsi, mon enfant, vos chagrins datent de votre visite au château de Pontbriand, n'est-ce pas ? Oui, monsieur David. En comparant l'obscurité de votre nom et votre vie modeste, presque pauvre, à la vie splendide, au nom illustre du jeune marquis de Pontbriand, vous avez ressenti une envie âpre, profonde. Il n'est que trop vrai. Jusque-là, ces sentiments étaient excellents, excellents, excellents. Vous emportiez du château des forces vives, puissantes. Elles devaient, sagement dirigées, donner au développement de vos facultés le plus généreux essor. Malheureusement, ces forces ont éclaté entre vos mains inexpérimentées et vous ont blessé, pauvre cher enfant. Ainsi, de retour chez vous, vos simples et pures jouissances ont été détruites par le souvenir incessant des splendeurs du château. Puis, dans votre oisive et douloureuse convoitise, vous en êtes venu forcément haïr celui qui possédait tout ce que vous enviez, puis la vengeance. « Vous savez !» s'écria Frédéric éperdu. « Je sais tout, mon enfant. »« Ah, monsieur David, grâce !» murmura Frédéric anéanti. « C'est surtout le remords de cette lâche et horrible tentative qui m'a conduit au suicide. » « Je vous crois, mon enfant. » Et maintenant, cela m'explique le sombre et morne abattement où je vous ai vu plonger depuis ma venue chez votre mère. Vous méditiez cette funeste résolution. J'avais songé pour la première fois la veille de votre arrivée. Ce suicide était une expiation volontaire. Il en est de plus féconde, mon cher Frédéric. D'ailleurs, je suis certain que si l'envie a été le germe de votre haine implacable contre Raoul de Pontbriand, la terrible scène de la forêt a été amenée par des circonstances que j'ignore et qui doivent atténuer votre coupable tentative. » Frédéric baissa la tête et ne répondit rien. « De cela, nous reparlerons plus tard, » dit David. « Maintenant, voyons, mon enfant, qu'enviez-vous le plus au jeune marquis de Pontbriand ? Ses richesses ? Tant mieux. Enviez-les ardemment, enviez-les sincèrement. Et dans cette envie énergique et incessante, vous trouverez un levier d'une puissance incalculable. Vous renverserez tous les obstacles. À force de travail, d'intelligence, de probité, vous deviendrez riche. Pourquoi non ? Jacques Lafitte était plus pauvre encore que vous. Il a voulu être riche, il est devenu 20 fois millionnaire. Sa renommée est sans tache, et toujours il a tendu la main à l'indigence. Toujours il a favorisé, doté le travail honnête et courageux. Combien d'exemples pareils je pourrais encore vous citer ? » Frédéric regarda d'abord son précepteur avec une profonde surprise, puis, la lumière se faisant aux yeux du jeune homme, il porta les mains à son front, comme si son esprit eût été ébloui par une clarté subite. David poursuivit. « Allons plus loin. Les richesses du marquis ne vous inspirent-elles qu'une envieuse convoitise, au lieu d'un sentiment de haine, de révolte contre une société où ceux-là regorgent de superflu, tandis que ceux-ci meurent faute du nécessaire ? Bien, bien, mon enfant. C'est un admirable sentiment que celui-là. C'est un sentiment religieux et saint, car il a inspiré au père de l'Église de sainte et vengeresse parole. Aussi, à la voix de ces grands révolutionnaires, le divin principe de la fraternité, de l'égalité humaine a été proclamé. Oui, ajouta David avec une tristesse amère, mais proclamé vainement. Les prêtres, reniant leur origine égalitaire, se sont rendus complices du pouvoir et de la richesse des rois et des grands. Au nom de ceux-ci, ils ont dit au peuple, « Vous êtes fatalement voués à la servitude, à la misère et aux larmes sur cette terre. » Était-ce assez blasphémé la paternelle bonté du Créateur, assez lâchement déserté la cause des déshérités ? Mais cette cause a de nos jours de vaillants défenseurs. Et bénis soient les sentiments que vous inspire la richesse, mon enfant, s'ils vous jettent parmi les gens de cœur qui combattent pour la cause impérissable de l'égalité et de la fraternité humaine. Oh ! S'écria Frédéric, les mains jointes, le regard radieux, le cœur palpitant d'un généreux enthousiasme. Je comprends, je comprends. « Voyons, » poursuivit David avec une animation croissante, « que lui enviez-vous encore à ce jeune marquis ? L'ancienneté de son nom ? Enviez, enviez ! Vous aurez mieux qu'un nom ancien, vous ferez votre nom plus illustre, plus retentissant que celui de Pontbriand, les arts, les lettres, les sciences, la guerre, que de carrières ouvertes à votre généreuse ambition, et vous arriverez. J'ai étudié vos travaux, je sais où atteindront vos facultés. » décuplé par la force d'impulsion d'une opiniâtre et vaillante émulation. « mon Dieu !» s'écria Frédéric, avec enthousiasme et les yeux mouillés de douces larmes. « Je ne puis dire quel changement s'opère en moi. Au lieu de la nuit, c'est le jour brillant d'autrefois et plus radieux encore. Oh, ma mère, ma mère !»« Cherchons encore !» continua David, ne voulant pas laisser le moindre doute à Frédéric. « L'envie que vous inspire cet ancien nom de Pontbriand se manifeste-t-elle par une haine violente contre la tradition aristocratique, toujours vivace et renaissante, là féodale, ici bourgeoise ? De cette envie, glorifiez-vous, mon enfant. Jean-Jacques, en protestant contre l'inégalité matérielle des conditions, a été un sublime envieux, et nos pères, en brisant le privilège et la monarchie, nos pères ont été d'héroïques, d'immortels envieux. Oh ! S'écria Frédéric, comme mon cœur bat à vos nobles paroles, monsieur David. Quelle révélation ! Ce qui me tuait, je le sens maintenant, c'était une envie lâche, stérile. L'envie était pour moi l'inertie, le désespoir, la mort. L'envie devait être l'action, l'espérance, la vie. Dans ma rage impuissante, je ne savais que maudire, moi, les autres et mon néant. L'envie devait me donner le désir, la force de sortir de mon obscurité. J'en sortirais. Bien, bien, cher et brave enfant ! S'écria David à son tour, en étreignant Frédéric sur sa poitrine. « Oh, j'étais certain, moi, de vous guérir. Tâche facile, avec une généreuse nature comme la vôtre, si longtemps cultivée par la plus admirable des mères. Tendre et excellent cœur, » ajouta-t-il, sans pouvoir retenir ses larmes. « Ce matin, au moment de périr, votre dernier cri était « Ma mère, ma mère !» Vous renaissez à l'espoir, à la vie, et votre premier cri est encore « Ma mère, ma mère !» Je vous dois la vie. » murmurait le fils de Madame Bastien, répondant à l'étreinte de son précepteur. « Je vous dois la vie du corps et la vie de l'âme, monsieur David. »« Frédéric, mon enfant, » dit David avec une émotion inexprimable, « appelez-moi votre ami. » Ce nom, je le mérite maintenant, n'est-ce pas? Et il remplacera pour moi ce nom doux et chéri que je ne dois plus entendre. Mon frère. Oh, mon ami. S'écria Frédéric avec exaltation. De ce nom, vous me verrez digne. À cette explosion de sentiments tendres succéda un moment de silence, pendant lequel David et Frédéric se tinrent étroitement embrassés. Le précepteur reprit le premier la parole. « Maintenant, mon cher enfant, je dois faire appel à votre franchise sur une dernière et grave circonstance. Il faut être sévère, impitoyable pour soi-même, mais non pas injuste. Dites-moi si... » David ne put achever. Complètement distrait des objets extérieurs, le précepteur et son élève ne s'étaient pas occupés de la route parcourue, et la charrette venait de s'arrêter brusquement à peu de distance de la porte de la ferme. Marie-Bastien, mortellement inquiète de l'absence prolongée de son fils, était depuis longtemps debout sous le porche rustique de sa maison, épiant au loin du regard le retour de Frédéric. À la vue de la charrette couverte qui s'approchait de la ferme, un pressentiment inexplicable dit à la jeune femme que son fils était là. Alors, partagée entre la crainte et la joie, elle courut à la rencontre de la charrette, la joignit et s'écria « Frédéric, c'est toi ?» C'est alors que David fut interrompu et que la voiture s'arrêta. D'un bond, le fils de Madame Bastien sauta de la charrette, se jeta au cou de la jeune femme, la couvrit de baisers et de larmes, en s'écriant d'une voix entrecoupée par des sanglots de joie « Mère, sauvée, plus de chagrin, sauvée, mère, sauvée !»